Le 26 mars 1827, décédé à Vienne, l'un des plus grands compositeurs au monde, Ludwig van Beethoven. Il y a donc aujourd'hui exactement 276 ans. Beethoven œuvrait évidemment dans la musique classique, ce qui n'a, à prime abord, rien à voir avec une émission métal. Mais détrompez-vous, puisque Réanimation est désormais consacrée émission métal classique. Effectivement, Réanimation ne vous fait entendre que des classiques du métal ou des classiques en devenir. Et cette toute nouvelle consécration nous vient de la prestigieuse et célèbre firme Pain and Undead Incorporated, dont tout ce qu'il y a plus de sérieux. Foutaise! Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui gobe n'importe quelle fumisterie, surtout lorsqu'elles proviennent d'eux-mêmes. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is our fucking business. We are undead incorporated. 'Cause Pendragon said so. Go! le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas. Parmesan pas. Ça l'est bon. Parmesan pas. On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des Best of de C'est Fou, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que c'est chez l'homme, c'est le symbole de la virilité et tout ça, tu sais. Et de l'intelligence. Ouais. Faites comme moi et synthonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis dès 7h le matin et les samedis dès midi. Avec le Master Pack Series des Best of de C'est Fou, profitez de 3 heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Le plus grand concours de band live entre Montréal et Québec est débuté. Les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de sa chanson sur les ondes de C'est Fou et plus encore. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration du studio Voxstone, Long & McQuaid, Maude Tattoo et Studio En Phase. Un événement production Joshua et C'est Fou 89.1. Pour une deuxième année consécutive, les soirées cachées C'est Fou vous offrent des spectacles gratuits dans les endroits inusités de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des soirées cachées C'est Fou ou synthonisez le 89.1. Ah, C'est Fou. Les extrêmes. Ça nous anime. CFOU 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette toute dernière édition du mois de mars, de l'an de disgrâce 2013, le 26 précisément, à Réanimation, The Undead Incorporated Show. Ce soir, nous avons une émission fort chargée, comme à l'habitude, mais peut-être un petit peu plus que les autres semaines antérieures, parce que nous avons quand même pas mal de choses, mon cher Sinistros. Et plein de spéciaux. Beaucoup de présentations d'albums. Oui. L'album marquant du mois, chronique du mensuel de l'album marquant, voilà. Et c'est ça qui est ça. Donc, sans plus attendre, comment vas-tu? Ben, c'est pas pire. Ouais. Ben, je sais que tu t'en fous, mais c'est pas grave. Oui, mais on m'a appris à être... c'est le printemps, fait que c'est toujours moins pris. Par principe, être minimalement poli. C'est la première fois, hein, je sais pas combien de mois, qui fait quand même pas si pire que ça pour une émission de réanimation. Effectivement. Et d'ailleurs, tu sais que je m'amusais à regarder les pronostics de la météo. Et théoriquement, on devait avoir de la pluie ce soir. Je me suis dit, c'est normal. Là. C'est un peu normal. C'est peut-être juste pour demain, en tout cas. Peut-être. On vient d'entendre la formation Legion of the Damned et la pièce Pray and Suffer que l'on retrouve sur le très bon album Cult of the Dead qui est paru en 2008 sur Massacre Record. Il y a un nouvel album qui s'en vient bientôt. J'ai bien hâte, effectivement. J'ai bien hâte. Nous avions Exodus auparavant et Burn Hollywood Burn que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation, soit Exhibit B de Human Condition qui est paru en 2010 sur Nuclear Blast. Creator et la pièce Death to the World, tirée du dernier album Phantom Antichrist, qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast, et la première pièce de ce premier bloc musical était The Testament, et effectivement, du dernier album Dark Roots of Earth, sur la pièce Native Blood, qui est paru également en 2012 sur Nuclear Blast. Pourquoi j'ai décidé de passer une pièce de Testament? C'est que je me suis amusé à réécouter certains trucs durant le week-end et la semaine dernière, plus précisément, je me suis dit, cette pièce-là est pas si mal, finalement. Fait que je me suis dit, allons-y. Tout se met de la poésie. Peut-être qu'éventuellement, je vais faire comme Phantom Antichrist, le Creator, je vais me dire, c'est un album qui est correct, là, tu sais, juste, il faut que je change pas d'idée. Dans ton cas, t'es fou. C'est ça. Fait que je risque de changer soit 10 fois plus d'idées ou 10 fois moins. C'est à suivre. En ce qui me concerne ce soir, mes présentations seront les suivantes, soit le nouvel album de Six Feet Under, Unborn, auquel j'ai donné une cote de 8.5 sur 10. C'est un album très bon album. Très, très bon. Selon moi, c'est le meilleur album de leur discographie jusqu'à présent. C'est un album qui suit directement Undead. c'est une suite logique. En fait, on regarde aussi. Ça fit, hein. Tu regardes les titres de. Absolument. Tu regardes les artworks. C'est vraiment similaire. C'est vraiment une suite logique de l'album de son prédécesseur, Undead. Qui, selon moi, Unborn, le dernier né, quel jeu de mots. Est le dernier pas né. C'est cela. Est supérieur à Undead que j'avais déjà bien apprécié. J'aurai aussi au niveau de ce qui sera ma chronique de, album marquant metal. Je l'avais dit la semaine dernière, j'ai tenu parole, il s'agit de Stormtrooper of Death, soit Speak English or Die. 11 pièces tirées de cet album-là que je présente, mais on s'entend qu'11 pièces... 6 minutes. Ben, 16 minutes 16, c'est quand même pas, je veux pas assommer personne, là, mais bon. Et tant qu'à toi, Sinistros, eh bien, tu commences d'emblée avec une présentation. Ben, un album qui sortait aujourd'hui même, nouvel album de la formation, ben, deuxième album, la formation norvégienne Gvelertak. Pour ceux qui connaissent pas Gvelertak, c'est, ben, il y a le chanteur de Consortium là-dedans. Mm-hmm. Ça, c'est son band principal. C'est un band assez spécial parce qu'ils vont chercher des sonorités de plusieurs styles de musique. Plusieurs styles underground, on s'imagine. Il y a un petit peu de black metal, il y a un petit peu de thrash metal, un petit peu de punk, un petit peu d'hardcore, un petit peu de rock'n'roll, un bon mélange de paquet de trucs. Puis ça fait un mix assez entraînant puis assez tape sa gueule, mettons. Là. D'accord. Si je peux m'exprimer ainsi. Tu peux. J'ai lu brièvement quelques chroniques s'adressant à cet album-là. Il semblait-il que jusqu'à présent que ceux qui l'ont écouté sont assez unanimes au niveau de l'appréciation de l'album. Ben, moi, je le trouve meilleur que le précédent qui s'appelait Gvelertak, là. Mm-hmm. Il devrait se mériter au moins un bon 8.5 sur 10, là. Tu nous en présentes, je crois, 5 pièces. Ben, les 5 premières pièces de l'album, c'est, je pense que ça va donner un très, très bon goût d'overall de l'album. Mm-hmm. Ceux qui aiment pas ça, ben, tant pis pour vous autres, mais ceux qui aiment ça, ils devraient apprécier. Ben, tant pis aussi. Ben oui, tant pis. On devrait tout apprécier l'entièreté de l'album parce qu'il est bon de A à Z, là. C'est vraiment, c'est de la musique, là, pour, tu mets ça dans ton char, là, puis pince la pédale, puis on décolle. Pèse pas trop parce que tu vas arrêter. Non, pèse pas trop parce que ça se peut que t'arrêtes ton CD bien avant. Que, oui, c'est ça. Ouais. Alors, allons-y avec une pièce qui s'intitule Apen Baring, c'est tiré de l'album Mir, paru sur Roadrunner Records aujourd'hui même. Go! plus grand concours de band live entre Montréal et Québec est débuté. Les mardis de la relève du Gambrinus. Tous les mardis dès 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de sa chanson sur les ondes de C'est Fou et plus encore. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration du studio Voxstone, Long & McQuaid, Maud Tattoo et Studio En Phase. Un événement production Joshua et C'est Fou 89.1. Hey Mathieu, t'aurais pas vu mes clés? Ben oui, c'est moi qui t'ai emprunté. Comment ça? Ah, j'ai entendu à travers les branches là, que la seule façon de savoir qui allait être le prochain animé assemblage requis avec moi, ben c'était d'apporter au studio un char pis de la bonne eau. Et j'ai mis le feu à l'auto là, juste pour avoir de quoi arroser. T'sais. Je pense que ce que t'as entendu, c'est que ton co-animateur est maintenant Jean-Philippe Charbonneau. En l'occurrence, moi. Écoute, bon, je te pardonne. C'est une erreur facile à faire. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Maintenant avec Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau. Mais toujours avec le même humour douteux. Du lundi au jeudi de 7h à 9h, assez fou. Ça veut-tu dire que quand je pensais avoir entendu Jean-Phil un cure-pipe, c'est plutôt Jean-Philippe? Fort probablement. Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Si vous voulez le meilleur du rap, c'est sur le Big Max Show tous les mercredis de 17h à 18h sur C'est Fou 89.1. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F O U 89 1. Vous êtes toujours à l'écoute de CFOU 89.1 FM, votre radio campus ici même à Trois-Rivières et qui plus est au Undead Incorporated Show, soit réanimation, en compagnie de Sinistros et de moi-même, le sympathique docteur Douleur Pendragon. Docteur Douleur. Douleur Pantalon. Eh bien, nous venons d'entendre la formation norvégienne Gvelertak avec un excellent album qui s'intitule Myr. C'est sorti aujourd'hui. Notez les tendances très hard rock. Ouais, effectivement. Je dirais que c'est peut-être même plus proche que du métal par moment. Ah oui, oui. Regarde, écoute, c'est beaucoup plus hard rock que le prédécesseur qui était plus axé sur le côté métal. Là, ils sont allés chercher les vieux solos à la vieille sauce, le riffing à la vieille soul. Tu sais, des accords ouverts, là. Tu sais, des riffs pas. T'as pas de palm mute, t'as rien. Ouais, let's go. Moi, j'aime bien ça. Je trouve ça super cool. Là. On a entendu les pièces Evig, Vendrar, Bruan, Bren, Trepan, Spring, Fral, Livet et Eppenbaring. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces pièces-là. Je pense que c'est rien. Je pense que c'est Chris, moi, rien. Et encore plus rien. Et ah, peut-être que celle-là, non. Finalement, non. Ben, il y a peut-être Spring, c'est soit ressort au printemps, les deux. Le printemps, vivre. Je sais, Spring, Fral, Yvette, c'est Vive les civets de printemps. Ah, c'est cela. Ben oui. Eh bien, c'est paru sur Roi de Runner. Oui, Roi de Runner. Hein, arrête donc, toi. Ben, ça a l'air à ça. Là, peut-être que c'est un des derniers bastions de Roi de Runner. Ben, coudonc. Avant que Roi de Runner mourre. Ben, je sais pas, hein, où ils ont décidé que la chose se tirait. Peut-être. 19h50, petite chronique cinéma. Le week-end dernier, j'ai écouté quelques trucs dont je vais garder le meilleur pour la fin parce que je pense que ce serait plus intéressant. Des Smarties rouges, ça. Oui, c'est le principe, effectivement. Un film qui m'intriguait énormément, un film de Andrew Dominik qui met en vedette Brad Pitt, que j'aime bien, je trouve que c'est un bon acteur, Brad Pitt, Ray Liotta et James Gandolfini, alias Tony Soprano. C'est trois bons acteurs, finalement. Oui, qui était un film d'action, crime, qui, grosso modo, tourne autour de l'histoire d'un braquage de tripots. Ça fait très Soprano, hein. Effectivement. D'ailleurs, on retrouve, je crois que c'est deux autres comédiens qui ont joué assidûment de la série Sopranos. D'accord. Je me suis dit, en lisant le résumé, j'ai dit, ça va être intéressant. J'aime les films de gangsters, ces trucs-là. J'ai dit, ça va être bien. J'ai dit, Brad Pitt, devrait pas avoir choisi de quoi de trop pire, là, j'imagine. Non, c'est pas vraiment bon. Honnêtement, là, c'est d'une lenteur. Et je te parlais, c'est drôle, hein? quand j'ai fait la petite chronique sur le film Lincoln, je te disais que c'était un film qui avait été bien fait, historiquement bien documenté, mais que c'était tellement long au niveau des dialogues qu'on en perdait comme le fil. C'est le même principe. Okay. C'est le même principe. Ça valait pas plus pour moi qu'un 5.5 sur 10. Il y a juste Tarantino qui est capable de, d'étirer des dialogues. Je crois que oui. Je crois que oui. Effectivement. Donc, Killing Them Softly. En fait, le titre original est Coggan Killing Them Softly. Qui est disponible présentement en DVD Blu-ray. Moi, je vous dirais, Perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps. Autre chose. Je vais y aller avec des trucs qui sont à venir aussi, bien entendu. Coriolanus, un film qui met en vedette Ralph Fiennes et Gerard Butler. C'est un film auquel j'ai donné un 7.5 sur 10. Je vous dis, qu'est-ce qu'il y en est? Imagine-toi une histoire de la Rome antique, mais transposée de nos jours. Les dialogues, pas les décors, rien, parce que c'est comme nous autres, là, OK? Mais tous les dialogues, tout ce qui est la politique, tout ce qui est le Sénat, tout ce qui est l'armée, ainsi de suite, adapté à nos jours. Ça donne le film Coriolanus, qui est le nom d'un important chef militaire qui est consacré comme étant un héros au niveau de la patrie, donc de Rome, et qui décide de se présenter. C'est un peu comme si les Romains avaient subsisté jusqu'à nos jours. Hein. Voilà, exactement. J'ai trouvé ça très original. Il décide de se présenter au Sénat, et comme il a toujours été comme impitoyable envers le peuple pour être capable d'acquérir ses galons, eh bien, il est banni du peuple. Et il décide de se joindre à son ennemi, qui est le personnage de Gerard Butler. Qui est Cicéron. Ah non, ça, c'est Cicé Carré. Et pour pouvoir atteindre sa vengeance. C'est un film qui est quand même, je dirais, très original. C'est un film qui comporte passablement d'action et passablement d'intelligence de scénario. Moi, j'ai trouvé que c'était un film... Je te cacherai pas que ce film-là, j'aurais pas l'intention de l'écouter à tous les années, là. Mais ça méritait un 7.5 sur 10 parce que c'est un film original. Je pense que ça vaut la peine pour les gens qui aiment l'originalité cinématographique de découvrir Coriolanus. Je vais revenir avec le film à redécouvrir ou à découvrir un peu plus dans quelques instants. Un film qui devrait être intéressant, qui sort le 19 juillet, c'est The Conjuring, qui met en vedette Patrick Wilson, Vera Farmiga et Ron Livingston. C'est un film d'horreur et de hantise, et c'est basé sur une histoire vécue aussi. C'est un film de James Wan, entre autres. James Wan, c'est celui à qui on le doit Décadence, ça. OK. Donc, ça risque d'être un film qui est intéressant. J'ai lu si on veut, les synopsis. J'ai regardé les previews, ça a l'air assez bon. Ça a l'air d'être assez trailer. Qu'est-ce que je voulais aller voir, là, parce que j'en ai pas mal, là. Oh, je sais plus. Ah, oui, ben oui, voilà, je t'ai passé par-dessus. Le week-end dernier, j'ai écouté, tu sais que Dave Grohl, c'est quelqu'un qui est très actif au niveau artistique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler la plasticine et les macaroniers de la colle pour faire des petits Pères Noël. Ben avec aussi la des bâtons de Pâques-Sécole. Oui, oui, à l'occasion, quand c'est quelqu'un qui est n'importe quoi. Quelqu'un qui est très actif artistiquement, au niveau musical principalement. Mais il s'est attaqué au niveau du cinéma avec un film. Ben, c'est un film. C'est un documentaire, devrais-je dire, qui porte le titre de Sound City. Sound Sound City. Qui raconte, d'une certaine façon, l'histoire du célèbre studio Sound City de Californie, qui a vu naître beaucoup d'artistes, mais qui a aussi enregistré beaucoup d'albums classiques au niveau du rock dans les années 60, fin 60, 70, même 80. Parce que et même 90. Oui, parce que le studio a fait faillite en 2011. Et c'est un film qui a vraiment une grande histoire musicale qui vient autour de ça. De grands noms y sont passés. Écoute, juste pour te dire, il y a des noms comme Metallica qui ont enregistré là. Il y a des noms comme Fleetwood Mac. Il y a des noms comme... je pense même que Nine Inch Nails ont déjà enregistré là. Nirvana. Donc, tu sais, bon. Il a réussi à faire un documentaire musical, ma foi, très, très, très intéressant. Très bien documenté, mais aussi... très intelligent et, je dirais, attachant à la rigueur. parce qu'on voit beaucoup de choses à travers l'historique, parce que lui veut rachète des équipements de cet ancien studio-là, qui sont entre autres des équipements analogiques. Parce que le point autour de lequel tout tourne cette histoire-là, c'est l'enregistrement analogique versus l'enregistrement numérique. Et il est un partisan de l'enregistrement analogique et il fait rendre compte à bien des gens qu'effectivement, il y aura peut-être préférence d'aller enregistrer analogiquement plutôt que numériquement. Mais il y a même une historique du numérique qui vient quand se sont chevauchés. Puis c'est assez drôle par moment parce qu'on parle à l'époque de la capacité des ordinateurs, mais des logiciels, où ce qu'une simple transformation, il fallait attendre 2 heures. Ah, là, ouais. Bon. Il y a beaucoup d'artistes qui succèdent et à travers ça, ils montent une trame sonore qui s'appelle Reel to Reel, qui est spécialement faite pendant le tournage, pour le tournage, pour ce film. Puis principalement, ben, il fait une pièce avec Stevie Nicks, Fleetwood Mac, qui est une, sur son temps que Stevie Nicks, une femme de 68 ans, là, quand même, là, avec Trent Reznor, Dan Einstein. Mais pour moi, ce qui a été vraiment la consécration, c'est la dernière pièce qu'il enregistre avec Paul McCartney. Ah, c'est cool. Qui est vraiment extraordinaire et qui nous fait voir que Dave Grohl est un gars musicalement totalement accompli. Mais que c'est un gars qui a une ouverture d'esprit extraordinaire. Puis comme tu disais tout à l'heure quand on en parlait, c'est le genre de gars que t'aimerais qu'il soit ton voisin, là. T'sais? Et on se rend compte que Paul McCartney, malgré la majesté, entre guillemets, qu'il a, est quelqu'un qui réussit à mettre à l'aise tout à fait les gens avec qui il travaille, même s'ils ne se sont jamais côtoyés. Ce qui fait d'excellents résultats. Moi, j'ai donné un 9.5 sur 10 à ce documentaire-là, qui est disponible présentement en commande. Pourquoi pas un 10? Ben, je veux dire, la raison est un petit peu poche, là, c'est que j'aurais aimé qu'il dure encore 2 fois plus longtemps. Ah. Je l'ai trouvé trop court. Mm-hmm. Mais c'est vraiment excellent. Sound City, et ça me fait dire que Dave Grohl, c'est un gars qui doit avoir, je dirais, excessivement de bonheur dans sa vie. De fun, effectivement. Tout à fait. Donc, ceci étant dit, vous en ferez ce que vous voudrez. Hey, ben, moi, pour l'instant, oui, quoi? Avez-vous vu la programmation du Heavy Montreal 2013? Ben, moi, je l'ai vu. Ah ben, moi aussi. Elle sortait aujourd'hui. Elle devait sortir hier. Oui. Mais ils ont eu... Ils étaient trop gênés. Ben, je sais pas si c'était ça. Ben, ils ont eu certains pépins. D'ailleurs, ça les a, semblait-il, un petit peu ridiculisés de ne pas pouvoir avoir fait autant de flop-flop pour dire qu'ils sortaient le 25 et que c'est terminé aujourd'hui. Bon, écoute, on peut en dire brièvement ce qu'on en pense. Moi, ça se conclut grosso modo comme ça que je n'irai pas encore. Oh, que non, c'est pire l'année passée, selon moi. Je crois pas, par exemple. Ben, moi, je pense que oui. Je pense que c'est peut-être pas pire, c'est peut-être égal. Ben, c'est pas mieux. Il y a des bons noms qui sont là, OK? Honnêtement, là, moi, je veux dire, je serais curieux de voir live Rob Zombie. Oui, mais on s'entend-tu que les mauvais noms qui sont là, ils détruisent tout ce qu'il y a alentour, là? Tu sais, Mastodon, c'est bon, live, on les a vus, c'est correct. Amon Amart, ça doit sûrement être bon. Machine Head aussi, ça doit être cool. Tu sais, moi, je vois des noms comme Steel Panther, je me dis, ouf, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais, c'est Gwar, ben ça, Gwar, c'est un cirque, là, tu sais. Bon, Finchua, ça doit être pas pire à voir là aussi, oui. Tu sais. Mais, tu sais, il y a beaucoup de choses qui semblent être core, qui, pour moi, personnellement, que je pense pas pour toi non plus, ça te correspond et vraiment. Non. Un peu à l'image l'an dernier. Ouais. Il y a des choses que je me dis, si, parce que là, on s'entend, là, que c'est pas divisé en journée encore, là. Hein? Donc, si, par miracle, on disait, bon, ben, de telle journée, tu te ramasses avec les 2/3 de formation que t'aimerais voir ou qui te plaît, c'est ouais, déjà ben, pas c'est si déjà mal. Moins pire, c'est ça. Mais ça risque pas d'arriver. Non. Ça risque si on, sûrement si on pas se fait l'année passée où ce que c'était tout mélangé. Tout à fait, que... absolument. Donc, moi, personnellement, je trouve ça, mais il faut aller s'y attendre, hein. Parce que l'année dernière, ça a été le plus gros succès de l'édition. Pourquoi? Parce que ça avait un aspect, entre guillemets, un peu plus commercial. Familial. Ben, je sais pas si c'est familial. mais écoute, ça allait chercher une crowd beaucoup plus jeune. Je veux dire, toi puis moi, on se déplacera peut-être pas pour aller voir Slipknot, là. Ils vendaient de la barbe à papa. Ben, disons, ben, c'est bon, ça. Tu sais, on se déplacera peut-être pour aller voir Motorhead. Oui, c'est ça. On se déplacera peut-être pour aller voir... AC/DC. Ben oui! On se déplacera pour aller voir Sabbath, on se déplacera pour aller voir Slayer. Même Saxon. même Saxon, tu sais, c'est peut-être même plus que Slayer, parce qu'ils sont un peu poche Slayer maintenant, là. Mais, live, je veux dire. Mais, je me déplacerai pas pour aller voir Steel Panther, je me déplacerai pas pour aller voir, Bring Me the Horizon. Children of Bodom, pis, tu sais, Godsmack, là, oublie ça, là. Non. Pis surtout que, quand même, le prix du billet, c'est pas donné, là, tu sais. Donc, malheureusement, écoute, c'est pas tout sorti encore. On le sait qu'il y a des noms à venir encore. On va voir. Tout va se décider sous l'emploi des journées. Oui, mais je pense que tous ceux qui auraient espéré, comme moi, que Black Sabbath soit de l'alignement, en tant que headliner, va falloir oublier ça. Mais d'après moi, c'est probablement Québec qui va l'avouer. Il y a des bonnes rumeurs qui courent que ce soit Québec qui l'est, mais il y a aussi une chose qu'il faut savoir. Bill Ward est remplacé par le batteur de Rage Against the Machine, qui, d'ailleurs, a enregistré le dernier album qui sort incessamment au mois de mai, 13. On peut aller chercher Vina Peachy? Non. Ah. Et c'est lui qui fait la tournée aussi. Mais faut, je sais pas, là. Moi, j'ai aucune preuve du contraire, comme de quoi que Tony Iommi est en pleine rémission de sa leucémie, là. Hein? Il y a des dates d'annoncer pour l'Océanie, pour Black Sabbath sur le site officiel. Pour le mois d'avril, pour le mois de mai. Mais il n'y a pas rien d'annoncé pour l'Europe, il n'y a rien d'annoncé pour l'Amérique du Nord encore moins. Fait que, bref. Je pense pas que ça arrive. Ceci étant dit, 20h04, j'irai avec moi aussi de ma première présentation de la soirée, qui est le dernier album de la formation américaine qui donne dans un Death Hour Groove Metal, Six Feet Under, dont le leader est Chris Barnes. Je dis le leader parce que c'est uniquement Chris Barnes qui reste au niveau du band original. Il y a beaucoup de successions dans cette formation-là. Mais il va toujours chercher quand même des musiciens qui sont intéressants, qui amènent de quoi de bien. Et surtout celui-là, Unborn, qui est paru mardi dernier, si je ne m'abuse. Oui, je pense que c'est mardi dernier. Oui, c'est ça. C'est, selon moi, le meilleur album de la discographie de Six Feet Under. Faut savoir que Six Feet Under, ça restera quand même toujours un groupe minimalement underdog, mais je pense qu'ils viennent atteindre un niveau qui va les amener justement à un autre niveau supérieur. C'est pas de la grande musique, c'est pas de la musique intellectuelle. Non, c'est mais pas c'est efficace. Mais c'est efficace. Puis c'est la suite logique de Undead. Donc je présente trois pièces, les trois premières pièces qui sont soit Neurosmosis, Prophecy et Zombie Blood Curse. Et je pense que Zombie Blood Curse va être très apprécié des auditeurs qui aiment ça quand ça groove un petit peu ouais, plus. Ça groove. Donc Six Feet Under et trois pièces tirées de Hornborn à l'instant même. Thank you. Bonjour, Monsieur Mozart. Chaque samedi matin, de 10h à midi, sur les ondes de C'est fou, si vous voulez écouter de la musique classique et de temps à autre de la chansonnette française dite classique, c'est Charles Roberge qui vous parle et qui vous invite à écouter cette émission chaque samedi matin, de 10h à midi. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Tous les mercredis à 15h, écoutez Dans mes écouteurs avec Joanie pour une sélection musicale rock variée. Dans mes écouteurs, les mercredis, 15h. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est actuellement en plein processus électoral pour l'élection de son prochain conseil exécutif. Venez assister au débat des candidats qui aura lieu le lundi 25 mars à 12h30 à la Chasse-Galerie. Des consommations gratuites seront offertes aux premiers arrivés. Vous pourrez voter à partir du lundi 25 mars, 23h45, sur votre portail étudiant, et ce, jusqu'au jeudi 28 mars, 23h45. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de l'AGEUQTR. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. The enemy is now in sight above the palace. h 18, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et nous venons d'entendre à l'instant trois pièces tirées du très bon album Homeborn de Six Feet Under. Ben, je dis très bon. Moi, je le trouve très bon. Ben, t'es moi, déjà... j'adore ça. T'es sûrement des gens qui aiment vraiment pas ça, là. On ben, s'en fout. Ben, moi, personnellement, oui, je m'en fous parce que moi, j'aime ça. Les pièces étant Zombie Blood Curse, une pièce, petite tendance, un bon petit death row. Oh, là. C'est cool. Ouais. C'était précédé de Prophecy et pièce d'ouverture de cet album, Neuro Osmosis. C'est paru mardi dernier sur Metal Blade et comme je le dis, c'est probablement le meilleur album de Six Feet Under. C'est un album qui comporte quand même... deux pièces. Oui, c'est ça, deux pièces. Non, mais c'est un deux pièces, oui, accompagné de... Le haut et le bas. Oui, c'est ça. 11 pièces. Et je trouve que l'album est bon dans son entier. Parlant d'album, c'est aujourd'hui que la formation, je dirais, je sais pas si on peut dire encore légendaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'accalmie et beaucoup de trucs poches, mais il y a eu quand même des trucs assez intéressants dans les années 80. Suicidal Tendencies sortait son nouvel album qui porte lui aussi le nom de 13. Donc c'est disponible à partir d'aujourd'hui. J'ai pas eu le loisir évidemment de l'écouter encore, là, mais je me promets de le faire. La semaine prochaine, moi, je vais vous proposer un autre album qui vient de sortir, qui est de la formation Torture Killer. Ben, j'ai écouté deux, trois pièces, puis ça m'a accroché. Mais c'est très bon. Avec un son un peu bizarre, là. Oui. Mais c'est, j'ai trouvé ça vraiment rock'n'roll, là. Oui, c'était encore une forme de death and roll, si on veut. Et c'était aussi l'ancien band de Chris Barnes. Oui. Qui n'est plus là depuis un certain temps. Ben, ils n'ont pas énormément d'albums. Je pense qu'ils en ont quatre, là. Je pense que c'est le quatrième. Moi, j'en possède deux, je crois, dont Swarm. Mais Torture Killer, l'album étant Phobia, qui est paru sur Dynamic Arts Records, qui est disponible présentement, j'ai trouvé que c'était un très bon album. J'ai donné un 8 sur 10. Ben, moi, ce que j'ai entendu, j'ai bien aimé. Là. Ouais, c'est vraiment cool. Aujourd'hui sortait le nouvel album de Saxon aussi. Ben, ça, je suis pas sûr. Ben, moi, j'ai pas eu le temps, mais je vais être curieux. Je vais être vraiment curieux. Ouais. L'album porte le titre de Sacrifice, qui est sur EMI. C'est aujourd'hui que c'est disponible en CD et LP aussi. Fentross est à venir, c'est mardi prochain, le 2 avril, pour l'album Blood Vet. Go, ça s'en vient aussi, c'est le 9 avril, ça en vient j'ai aussi. J'ai hâte. Ouais. Pour ceux qui sont très intéressés par Ghost puis qui sont pas comme Dr. Pendragon, qui veulent pas absolument attendre. Non, la je veux absolument attendre, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour ceux qui veulent pas absolument attendre sortie de l'album, ils viennent de sortir un vidéoclip qui s'appelle Ear Zero. Si vous êtes des pro-catholiques, puis vous êtes des âmes sensibles, allez pas voir la vidéo. OK. Parce que c'est assez malsain. Fait que cette vidéo-là fait pas jeunesse d'aujourd'hui comme le premier, là. Vraiment pas. Je suis okay. même pas sûr que YouTube a le droit de le passer. À ce point-là? Oui. Oh! Serait-il retiré? Ben non, ils l'ont pas mis sur YouTube, ils l'ont mis sur d'autres, un autre gugus, là. Mais, en tout cas, c'est... Ils l'ont mis sur YouDon'tTube. Ouais, YouDon'tTube, juste pour vous dire, on voit des tatons. Oignon! Oignon! Je pensais pas que ça existait encore en 2013, ça. Ah, non? Ben, parce que j'en connais. C'est vrai que moi, je suis encore quelque chose aux années 80, là, parce que... T'es un amateur de Cannibal Corpse? Ben d'une certaine façon. Ouais, certaines pièces. Moi, j'aime le côté plus groove, là. Okay. Plus entraînant. Ben d'ailleurs, tout à l'heure, tu devrais aimer ce que je vais passer. Quand ça martèle un petit peu trop, j'aime un petit peu moins ça. Eh bien, Cannibal Corpse vient de sortir une espèce de gros box set qui s'appelle Death Human Collection 25 Years of Death Metal, qui comporte 12 CD, un picture disc vinyle, de nombreuses reproductions des pochettes, beaucoup de collectibles. C'est assez cher, par contre. Si j'imagine, hein? Oui. Mais c'est très, très complet. Donc, quelqu'un qui voudrait... qui aurait découvert Cannibal Corpse, qui deviendrait... multimillionnaire. Non, ben peut-être pas jusqu'à ce point-là, là, mais qui aurait un peu d'argent à dépenser parce qu'il voudrait avoir la discographie de Cannibal Corpse, ben c'est le bon achat à faire. OK. C'est le bon achat. C'est disponible présentement. C'est disponible, évidemment, sur Metal Blade. Et une excellente nouvelle, en fait, pour moi et probablement pour les amateurs de cette formation... Formation américaine qui porte le nom de Embolition, nouvel album disponible pour le 14 mai. Ben, le single est sorti. Oui, effectivement. L'album porte le nom de, portera le nom de Kingdom of Conspiracy. Ce sera sur Nuclear Blast. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de l'entendre. Le dernier est de 2010. Et mon seul et unique commentaire sur le site de réanimation pour l'album Embolition, c'est enfin. Youpi! Oui, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Donc, musicalement parlant, nous allons revenir à ce qui est essentiellement le but. Nos moutons noirs. Ouais, c'est ça, le but de l'émission. La musique, le métal. Et ta deuxième présentation de la soirée s'adresse à quoi? Et s'adresse à qui? Et pourquoi? À personne. Bon, on va fermer le micro. Surtout pas à vous autres. Bon. Eh bien. Faut que pendant ce temps-là, on va passer des pubs. Pendant que vous autres, on va l'écouter en studio, on va passer des pubs en loop. Okay. C'est ça. Eh bien, nouvel album de la formation américaine Jungle Rot, qui s'intitule Terror Regime. Avec quelques attentes au niveau de cet album. Et les attentes ont été relevées, mes amis. Oui. Parce qu'il est aussi bon que Kill on Command. Tu lui as donné combien? Ben, moi, je donne un bon 8.5. J'ai donné un 8, on est assez près. Ben, c'est 8. Mais je pense que c'est 8, moi aussi. Okay. Faudrait que je regarde sur Hurlement. Je pense que c'est 8. Parce que c'est sûr et certain que ça réinvente pas la roue. Ben, c'est pas le but, hein? C'est pas le but. Garde, écoute, c'est fait pour trasher, c'est fait pour groover, c'est fait pour avoir du fun. Ils font excellemment bien, ils ont des excellents riffs. Et alors, à tous ces détracteurs un peu imbéciles qui critiquent pour détruire des albums, juste pour détruire, qui disent « Oh, ils ont signé sur Victory, c'est du corps. » Ben, vous êtes des patates, bien comme non, ça. Non, parce que the job is done. La job est très bien faite. L'album est excellent de « Oh, ben, excellent, c'est pas... un album... Non, c'est ça. On peut pas comparer ça, exemple, à une révélation. Non, mais c'est un album dans le style que Jungle Rot nage, dans le fond. Là. C'est très bien fait. C'est dans ta face. Des pièces courtes, concises. Vraiment, là, ça va droit au but. C'est ça qui est recherché, finalement. Tout à fait. On a une bonne reprise aussi sur l'album. Oui, c'est quoi déjà? I Don't Need Society de DRI. Oui, c'est vrai. J'écoutais ça dans ma voiture la semaine dernière quand j'ai commencé à écouter l'album. Puis moi, je l'écoute, je pars le matin, j'écoute un album. Moi, j'ai un album, généralement, je suis capable de faire l'aller-retour. OK. C'est Trois-Rivières, Nicolette, Nicolette, Trois-Rivières. Fait que quand je suis revenu vendredi... Ben, excuse-moi, une parenthèse. Quand tu reviens Nicolette de Trois-Rivières, l'album est fini, tu retournes ça à Nicolette pour le terminer? Ben, si l'album n'est pas terminé, je le retourne bord, je vais le rechercher. Mais il est tellement court, l'album, que rendu à Trois-Rivières, il a eu le temps de recommencer. Fait que j'ai entendu deux fois les deux premières pièces. OK. Mais je m'en allais m'engrancer sur le pont de la Violette pour le traverser. Mm-hmm. Et à un moment donné, j'entends le début de I Don't Need Society, que je savais pas que c'était ça. Je dis, hein, ça sonne donc bien comme D.R.I. ça. Puis là, il commence à dire ses paroles, mais tu sais, c'est dead. Ben voyons donc, il y a fond pour le vrai, là. Ben tu sais, j'étais trop content, fait que c'était cool. Oh, là, oui. Mais je la mettrai pas ce soir, pas rien pour vous écœurer. Il y a une belle version LP aussi de cet album-là qui est disponible. Oui, un peu dispensé. Oui, effectivement. Un peu dispensé. Ouais. Alors, on va entendre les cinq premières pièces de l'album Terror Regime, soit Voice Your Disgust, Terror Regime, Utter Chaos, I Am Hatred et Blind Devotion. Allons-y tout de suite. C'est sorti la semaine dernière sur Victory Records. Jungle Rock. le plus gros party spaghetti au Québec. C'est un fait, là. Parmesan pas! On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des best-of de C'est Fou, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que c'est chez l'homme, c'est le symbole de la virilité, tout ça, tu sais. Et de l'intelligence. Ouais. Faites comme moi et syntonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis dès 7h le matin et les samedis dès midi. Avec le Master Pack Series des best-of de C'est Fou, profitez de 3 heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Cette année encore, les Soirées Cachées C'est Fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des Soirées Cachées C'est Fou ou syntonisez le 89.1. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F-O-U. 20h45 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Eh bien, c'était oui. Jungle Rock avec l'album Terror Regime. Avec les pièces Blind Devotion, I Am Hatred, Utter Chaos, Terror Regime et Voice Your Disgust. C'est paru la semaine dernière sur Victory Records. Et petit message ici d'intérêt public, ça prend ça au Trois-Rivières Metal Fest 2013 parce que j'en ai décidé ainsi. Tu vois, moi je voudrais avoir Rotten Christ. Ah, moi aussi j'en ai décidé ainsi, t'as bien raison. Côté spectacle, justement, Trois-Rivières Metal propose... Ce samedi 30 mars, au Rock Café Le Stage, les formations Ordax, qui font le lancement de leur album Nihil, Cryptic Howling de Roy Noranda, Soul of Ignorance de Trois-Rivières. Les portes ouvrent à 19h, le spectacle débute à 20h, c'est pour tous au coût de 10$. Pardon. Vendredi le 12 avril, au Rock Café Le Stage, Extreme Prods présente 101 Proof, qui est un hommage à Pantera, un hommage montréalais au groupe Pantera, Self Collapse, cette année Glue Sniffer et Undead Process. Spectacle est à 20h, c'est pour tous au coût de 10$. Trois-Rivières Metal présente le dimanche 28 avril au Rock Café Le Stage, formation Arcona de Russie, Valfreya de Montréal et groupe invité. Les portes ouvrent à 19h et le spectacle débutera à 20h. Il en coûte 15$ et c'est pour tous. Je reviendrai avec les chroniques de spectacle de BCI un peu plus tard. La semaine prochaine, je vous propose la présentation de l'album, comme je le disais tout à l'heure, de Torture Killer. L'album qui porte le titre de Phobia. Et pour ma part, j'aurai Fintroll et Bloodswept à vous présenter. Bon. Et moi, j'aurai un spécial gore. Oh, non. Je dis pas nécessairement metal gore, mais gore. Ça n'a donc pas l'air dégoûtant, ça. Ça sera pas gentil. Ça sera pas gentil. Puis avis aux intéressés, collez-vous pas trop les oreilles sur vos speakers. Ça va dégouliner. Ça va tâcher. Je vais y aller avec un bloc farfelu. Pas un bloc de farfelu. Oui, je garde ma présentation de la bande marquant un peu pour la fin de l'émission. Ben, en tout cas, pour ma dernière présentation. T'en mets bien des blocs. Hein? Oui, mais tu sais, quand tu parles d'un bloc de 16 minutes, là... Quand t'as rien à l'hockey. T'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Ouais, je pensais que c'était des périodes. Moi, c'était des blocs qu'ils font. Eh. OK. Ah. Bon, mais comme troisième période. Je pense qu'il y a quatre blocs, eux autres. Non, il y a les quatre quarts au football, ça, c'est correct. Là, mais... Les Canadiens jouent là-dedans au football. Là. Les Canadiens jouent à quoi? Au football. Ben, si tu le dis. Bon, moi, ils peuvent voir ce qu'ils veulent, hein, tant que je n'ai pas à les écouter. Donc, ceci, je vais y aller tout de suite avec un petit bloc, évidemment, à forte tendance death metal, vous me commencez à me connaître, mais d'emblée, allons-y avec une bonne vieille pièce du dernier album, c'est un petit peu, paradoxal. Un peu bizarre. Une bonne vieille pièce du dernier album de Cannibal Corpse Torture, la pièce étant Sacrophagic Frenzy. Go! Don't you survive? Will endure? L'excellente formation Death Metal Aeon. Hey, tu sais que lors de mon séjour, il y a quelques années, mon séjour en enfer, où ce que j'ai foutu le bordel... Comme partout. Ben, Lucifer a tenté de me faire un discours de ce type-là. C'est vrai? Ouais, mais c'est parce que j'ai fait tellement peur qu'il a décidé de... Non, regarde, va-t'en, toi, il n'y a plus rien à faire avec toi. Sauf que tu lui as fait peur pour les mauvaises raisons. Oh, oui, c'est ça. Non, je ne lui ai pas fait peur pour lui faire peur. Il a eu peur que j'envahisse son territoire et que je prenne le contrôle de ses fidèles et que je foute le bordel, finalement. Ben, ça, tu l'as réussi assez bien, généralement. Oui. Aeon et la pièce Nothing Left to Destroy, tirée du très bon album Aeon Skies, qui est paru à la fin de 2012 sur Metal Blade. C'est Aeon's Black. Aeon's Black, pardon, excusez-moi. Oui, Black. Ben oui, pourquoi je marque Skies, moi? C'est une pièce que je fais. Je vais vérifier quelque chose. Non, je me suis complètement fourré dans quand j'ai oui. Dyslexie de clavier. Aeon's Black, effectivement, qui est paru sur Metal Blade. Quel bon album. Immolation et The Raptures of Ghost, que l'on retrouve sur Majesty and Decay, paru en 2010 sur Nuclear Blast. Et comme j'ai dit tout à l'heure, At Last, on va en avoir un autre bientôt. Suffocation et la pièce Cataclysmic Purification, qu'on retrouve sur l'avant-dernier album Blood Oath, qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast également. Et Cannibal Corpse, Sacrophagic Frenzy, qu'on retrouve sur le dernier album Torture, paru en 2012 sur Metal Blade. Ce vendredi, ce sera ma première participation officielle en tant qu'animateur à Rock Classique, en compagnie du Rockmaster Alain Lefebvre, dont je serai en ondes possiblement à partir de 12h30 avec Alain. Et je vous présenterai cette semaine, comme première vraie participation, que des gros canons du Classic Rock. Côté spectacle, présenté par BCI... Vendredi le 12 avril le prochain, au Foufounes électriques, c'est Udo en compagnie de El Chan Wei et de Potion 13. C'est à 19h au coût de $25 et $30. C'est via admission. Pagan Fest America Part 4, met en vedette Insiferum, Thor, et The Vorg, Trollfeast et El Salt. Le jeudi 18 avril prochain à 19h au Métropolis, au coût de 30 et 43 et 34,78. C'est pour tous via Ticketmaster, Catatonia, et groupe invité le jeudi 25 avril, 20h, au Café Campus, $20 et $25 via admission. Suffocation, qu'on a entendu tout à l'heure. Exhumed, Jungle Rot, qu'on a entendu tout à l'heure. Ring of Saturn et Adimiran, le 27 avril, c'est un samedi à 19h au Club Soda, au coût de 25 et 22, et 30 et 43, plus taxes, c'est pour tous, via Club Soda Box Office. Hypocrisy, as-tu écouté le dernier album d'Hypocrisy? Moi, j'aime pas ça. Je m'étais un grand fan, donc. Ben, moi, j'aime vraiment pas ça. Bon. Ça, c'est, Je trouve que c'est du power metal un peu plus gros, là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Hypocrisy en compagnie de Crazium, Aborted, Arsis et Starkill, le vendredi 3 mai, 18h, au Fofones Electric. Il en coûtera 22,50 et 27,50 pour y assister via admission. Et le Decibel, de Decibel Magazine Tour 2013, ça mettra en vedette Cannibal Corpse, Napalm Death, Immolation, qu'on vient d'entendre à l'instant, et Beyond Creation, c'est le 1er juin, un samedi à 19h au Club Soda, au coût de 25 et 22 et 30 et 43 pour tous. Billetterie du Club Soda. Ceci étant dit, il est 21h12 et je vous rappelle que la semaine prochaine, Sinistros, tu nous présentes quoi? Fintroll, Blood Swept. Oui. Moi, j'aurai la présentation de Torture Killer et aussi un petit spécial Gore. Faudrait peut-être que je m'en trouve un petit spécial, moi aussi. Spécial... Clown. Spécial clown, oui. Ben, je vois pas autre chose qui pourrait te faire. Là. C'est beau chercher, là. Je vais te creuser la tête pour voir. Ah, ben, c'est pas déjà fait, ça? Je vais recommencer. Ah, OK. Il y a toujours... J'imagine qu'avec... Il reste une petite place. Oui, c'est toujours un endroit où on peut repercer quelque part. Parce que je cicatrise toujours un peu avec le gros sel que je t'achète, là, dessus, là. Hein? Oui, c'est quand même bon. De très bonne qualité. Oui. Ta présentation d'album marquant. Oui, album qui m'a marqué assez fortement. Tellement marqué que c'est ce qui a vraiment concrétisé mon désir de vouloir jouer de la guitare et éventuellement jouer de la musique qui déménageait un petit peu. D'accord. Accept avec l'album Balls to the Wall. C'est le premier album d'Accept que j'ai connu. J'ai connu ça... assez curieusement. Moi aussi, c'est le premier album que j'ai connu, je pense. Ben, oui, c'est, ben, moi, c'est, moi, j'avais connu ça à l'époque. Non. L'autre avant, c'est Restless and Wild. C'est lui que j'ai connu. Ça, bon, moi, je l'ai connu suite après. OK. Ben, dans le fond, ça, j'ai creusé. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une émission à l'époque, quand j'étais à cet âge-là, 1984, j'étais quand même assez assez jeune. On venait de l'école pour écouter Mosh Music à 4h. C'était le Power Hour avec J.D. Roberts. Musique Plus, c'était pas vraiment encore... Formaté, ben, comme il est aujourd'hui. Ça commençait, puis il y avait pas... Il cherchait un peu. Ouais. C'était J.D. Roberts qui avait passé à un moment donné à Solid Rock, je veux dire, Power Hour. Solid Gold. Le vidéoclip de la pièce Balls to the Wall. J'étais déjà un fan des Metallica, Slayer. Ça m'a vraiment comme accroché. Le son des guitares, le torque heavy metal que ça avait avec le vocal à Udo. Très particulier. Oui, c'est ça. Avec tout, tu sais, habillé tout en armée combat. En gars d'armée avec les autres qui font des mots avec le Flying V. Je suis tombé dessus de cul ben raide. Si bien qu'il y avait un magasin de disques à Nicolette au centre d'achat. Puis le lendemain, j'ai pris mon petit bicycle à pédale puis je me suis rendu au centre d'achat pour aller demander au gars s'il était pas capable d'avoir ça. Accept Balls to the Wall. Ben, l'album, il était là. Oh. Fait que je suis parti avec, puis j'ai carrément accroché. Quand je suis revenu la semaine d'après à l'école avec ce vinyle-là, ben, il y a un de mes amis, en même temps, il m'amenait le vinyle de Restless and Wild. Ah, OK. Fait qu'on s'est payé un gros trip d'Accept, on a viré bien fou, puis on attendait que Metal Heart sorte, qui est un des chefs-d'œuvre d'Accept. Mais là, t'essaies de nous faire croire, toi, là, t'es déjà allé à l'école, là. Tu avais des amis. Ça, c'est juste pour passer pour un bon petit garçon. OK, c'est pour justement parce pour... Parce qu'en réalité, c'est une autre histoire. Oui, c'est à Trollland que tu avais découvert ça. Hein? C'est cela. D'accord. Ah ben, j'ai choisi la face A. D'accord. De cet album qui va comme suit. Les pièces Balls to the Wall, London Letter Boys, Fight It Back, Head Over Heels et Losing More Than You've Ever Had. C'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert Wolf of Man et son jeu de guitare qui demeure encore aujourd'hui mon guitariste préféré. Ah oui? Les... Oh oui, ça c'est... J'aime son côté... son côté torsionnaire. Eh bien, que mal t'en prenne. Allons-y, Balls to the Wall, go! Sign of victory. Sign of victory. Watch the dance. God bless you. You're l'émission tire presque à sa fin. Eh oui, on vient d'entendre ce qui était à l'époque la face A. Oui. The Balls to the Wall. Accepte, bien entendu. Effectivement. Légendaire groupe heavy metal allemand qui est précurseur du speed metal aussi. Oui, avec Heidi, Heido. Moi, mais c'était pas ce bout-là. Ah, ok, c'est vrai. Non, c'était Fast as a Shark. Oui, Fast as a Shark. Il y a même certaines pièces sur d'autres albums où ça varlope pas mal. Oh, même oui. Sur le dernier album, il y en a une coupe qui que le double bass, hein, c'est vraiment cool. Alors, on a entendu Losing More Than You've Ever Had, Head Over Heels, Fight It Back, London Letter Boys et Balls to the Wall. Ça, c'est un des classiques albums d'Accept. Mais je pense que le plus grand classique reste Metal Heart, qui est possiblement le meilleur album à vie de Accept. Ben voilà pour la présentation d'albums marquants pour Sinistros. Je vous rappelle que ce vendredi 29 mars au Rockefeller Stage, les formations Trainwreck Architects se produiront en compagnie de Reanimator Colony et Edge of Insanity. Donc, c'est ce vendredi au Rockefeller Stage. Moi, eh bien, après la pause publicitaire, ce sera ma contribution aux albums marquants. Donc, on va aller en pause publicitaire et tout de suite après, on revient avec l'album de Stormtrooper of Death, Speak English or Die. On va entendre successivement March of the SOD, Sergeant D and the SOD, Kill Yourself, Melanomush, Speak English or Die, United Forces, Chromatic Death, puis Alpha New, Anti-Proscratination Song. Ah, c'est dur. What's That Noise et Freddy Krueger après la pause publicitaire SOD. Électrotactile, le jeudi, 21h. L'Association générale des étudiants de l'UQTR est actuellement en plein processus électoral pour l'élection de son prochain conseil exécutif. Venez assister au débat des candidats qui aura lieu le lundi 25 mars à 12h30 à la Chasse-Galerie. Des consommations gratuites seront offertes aux premiers arrivés. Vous pourrez voter à partir du lundi 25 mars, 23h45, sur votre portail étudiant, et ce, jusqu'au jeudi 28 mars, 23h45. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de l'AGEUQTR. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C'est F-O-U 89-1. L'émission tire à sa fin pendant What That Noise et Stormtrooper of Death, Speak English or Die. On se revoit la semaine prochaine. En attendant, allez tous vous faire foutre! Parce que voici l'ultime pièce. Freddy Krueger.